sans conséquence, parti pour m'amuser, dévoilé menant la danse, je me sens rassuré. Mise en jeu sans conséquence, les paris sont engagés, pion suivant sans résistance à l'envie de gagner. Sans conséquence, incite à s'obstiner, dépipé guidant la chance, je me sens abusé. Petit jeu sans conséquence, la partie a pris les clés, jusqu'au subir en cadence, je ne peux abandonner. Prenez place, prenez place, petit jeu va commencer. Prenez place, prenez place, petit jeu va démarrer. Prenez place, prenez place, la partie est réservée. Prenez place, prenez place, la partie est programmée.